Heures. Et l'on retrouve Dominique Delaroy pour les infos. Bonjour Dominique. Bonjour. François Hollande de retour à Florange. Le site sidérurgique en difficulté avait été l'un des points chauds de la campagne présidentielle de 2012. François Hollande et Nicolas Sarkozy y avaient pris des engagements. Aujourd'hui, François Hollande vient dire promesse tenue. Mais les syndicats ne sont pas de cet avis. Certains ont décidé de boycotter cette visite discrète, Rachel Noël. Cette visite de François Hollande s'est faite en petit comité. La presse n'est pas invitée. Seule une caméra a pu suivre le déplacement. Imaginez, on n'a même pas pu accéder à l'entrée principale des grands bureaux. Il y a des barrières et des forces de l'ordre un peu partout. Et les quelques dizaines de badauds tenus à bonne distance n'ont eu que quelques secondes pour apercevoir le cortège présidentiel. Le président a rencontré des salariés récemment embauchés, puis des représentants syndicaux de la CFDT et de la CFE-CGC. En clair, ceux qui, comme l'Élysée, disent que l'accord a été respecté. Les autres syndicats, eux, ont préféré boycotter. FO parle de non-événement. La CGT a choisi de faire un rassemblement en début d'après-midi et de parler de ce qu'elle appelle les vrais chiffres, des postes en moins sur les sites de Florange, plus d'une cinquantaine en 2015. Elle parle même de 300 suppressions dans les années à venir. Ça, c'était la visite presque privée de François Hollande. Celle qui suivra sur le site de Métafench à Uckange, elle sera largement médiatisée. Il faut communiquer sur les éléments positifs. Rachel Noël à Florange. Le groupe PSA, lui, poursuit la réduction de ses effectifs. Il pourrait supprimer jusqu'à 2000 emplois supplémentaires l'an prochain. Pas de licenciement sec, mais des départs volontaires et des pré-retraites, alors que PSA renoue avec les bénéfices. Un début d'incendie, sans doute volontaire, du futur centre d'hébergement pour SDF dans le 16e arrondissement de Paris. Un centre très contesté par une partie des riverains. Peu de dégâts, une enquête a été ouverte. La mairie de Paris va se constituer partie civile et le centre ouvrira, comme prévu, début novembre. 14 réfugiés mineurs non accompagnés en provenance de Calais retrouvent aujourd'hui leurs proches au Royaume-Uni. D'autres doivent arriver dans les prochains jours, avant la démolition du camp de la jungle de Calais. Après des mois de polémiques, Londres a fini par accepter l'arrivée de ces mineurs isolés qui ont déjà de la famille en Grande-Bretagne. La bataille de Mossoul a commencé. Mossoul, dernier bastion des djihadistes du groupe État islamique. L'offensive est menée par l'armée irakienne, soutenue par la coalition sous commandement américain. Les pays de la coalition se réuniront le 25 octobre à Paris afin de faire le point notamment sur cette offensive, tandis que l'ONU s'inquiète pour les populations. 1,5 million de civils vivent encore à Mossoul. Les familles risquent d'être prises entre deux feux ou d'être utilisées comme boucliers humains par les djihadistes. Explosion ce matin sur un site industriel du chimiste allemand BASF. Plusieurs personnes sont blessées, d'autres sont portées disparues. Un incendie a suivi. Une épaisse fumée noire s'élève au-dessus de l'usine située en bord de Rhin, à Ludwigshafen, dans l'ouest de l'Allemagne. Il est conseillé à la population de fermer portes et fenêtres. En ligne de Berlin, Pascal Thibault de RFI. C'est vers 11h30 qu'une forte explosion a retenti sur le site de l'entreprise BASF, sur un port au bord du Rhin, où des produits utilisés par la société chimique sont entreposés. Les fenêtres au centre-ville de Ludwigshafen ont vibré, ce qui témoigne de la force de l'explosion. Elle a eu lieu lors de travaux sur un système de pipeline, a précisé le groupe allemand. Plusieurs personnes ont été blessées et certaines ont disparu. Une épaisse fumée noire s'élève au-dessus du site concerné. BASF a appelé les populations voisines à rester chez elles et à garder portes et fenêtres fermées. Il est conseillé aux automobilistes d'éviter la zone. Sur son compte Twitter, la ville de Ludwigshafen a fait savoir que les habitants se plaignaient d'irritation des voies respiratoires. Des forces de secours venues de toute la région sont sur place. Berlin, Pascal Thibault, RFI pour France Inter. Et un premier bilan fait état de 1 mort, 6 blessés et 6 disparus. Selon BASF, il n'y a pas de danger pour la population. 3 heures auparavant, une autre explosion dans une autre usine BASF avait fait 4 blessés à Lampertheim dans le Land de Hesse. Ce week-end à Angers, un balcon s'est effondré lors d'une fête d'étudiants. Le bilan est de 4 morts et 14 blessés. L'entreprise qui a participé à la construction de l'immeuble pointe du doigt dans un communiqué de son avocat une défaillance liée à une usure anormale. Le procédé utilisé est classique. La construction a été effectuée dans le respect des règles de l'art et vérifiée. Il y a quelque chose d'anormal dans l'usure de ces balcons. Drapeaux en berne et stades transformés en mausolées, l'Irlande rend hommage aujourd'hui à l'un de ses plus grands joueurs, l'entraîneur du Munster, Anthony Foley, décédé soudainement à 42 ans. À à Paris dans la nuit de samedi à dimanche, juste avant la rencontre de Coupe d'Europe avec le Racing 92. Nous allons à la Bourse de Paris. Antoine Verlin, bonsoir. Toujours en petite baisse la Bourse. Oui, Dominique, bonsoir. Et en effet, il reste une trentaine de minutes de cotation et le marché parisien n'affiche toujours pas une tendance très claire. Le CAC 40 actuellement 7,022%. Il est à 4461 points. Plusieurs indicateurs importants sont au programme dans les prochains jours. Il y aura notamment mercredi la croissance du PIB chinois au troisième trimestre et dans la soirée, le livre beige de la Fed qui fera le point sur la situation économique des États-Unis. Et puis jeudi, la réunion monétaire de la Banque Centrale Européenne. Donc en attendant, eh bien, les investisseurs préfèrent ne pas prendre trop d'initiatives. D'ailleurs, à Wall Street, le Dow Jones en ce moment est en petit repli lui aussi de 0,10%. Quant à l'euro, il se maintient juste sous 1,10$, il est à 1,0990$. Côté valeur, Accor, qui publiera demain soir son chiffre d'affaires du troisième trimestre, est en repli de 1,64%, c'est la plus forte baisse du CAC 40. Le titre du groupe hôtelier fait l'objet d'une nouvelle dégradation d'analystes. À l'opposé, Peugeot gagne 2,45%, c'est la plus forte hausse de l'indice parisien. Ces derniers mois, le constructeur automobile s'est sensiblement diversifié. Aujourd'hui, il a annoncé être en négociation pour prendre une participation dans le capital d'Aramis Auto, un spécialiste de la vente en ligne de véhicules d'occasion. Le CAC 40, petit repli de 0,18%, il est à 4463 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse pour France Inter. Du lundi au vendredi à 11h sur France Inter, c'est la bande originale. Avec Nagui. Demain dans la bande originale, Ludivine Sagnier. J'aimerais revenir sur la polémique. Oui, j'aime bien revenir. J'aime bien revenir tout court, c'est vrai. Il y aura l'humour de Tom Villa, l'humeur de Frédéric Sigrist et comme tous les jours, l'esprit de Leïla Kado Boudadi et le mauvais esprit de Daniel Mohr. Pour illustrer mon propos, je vais prendre tout d'abord l'exemple d'un homme d'exception, c'est moi. La bande originale. Pour assister à l'émission, inscrivez-vous dès maintenant sur maisondelaradio.fr. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 11h. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. François, une entreprise à Lille qui semble avoir de gros problèmes. Tout à fait, rupture de canalisation à l'atelier, toutes les commandes sont à l'eau. Ah, mauvaise nouvelle, les clients vont être furieux. Ah non, tout va s'arranger. Grâce à la responsabilité professionnelle MMA, les clients non livrés seront dédommagés sur le préjudice subi et la trésorerie de l'entreprise préservée. Zéro tracas. Zéro blabla, et toujours pas de scoop. MMA. Dans les conditions et limites du contrat. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Rembrandt Intime, jusqu'au 23 janvier, au musée Jacquemart-André à Paris. Considéré comme le plus grand maître de l'art hollandais du XVIIe siècle, Rembrandt a dominé l'art de son temps. En une cinquantaine de peintures, dessins et gravures, exceptionnellement réunis autour des chefs-d'œuvre de la collection Jacquemart-André, découvrez le génie de Rembrandt dans l'intimité de sa création. Retrouvez l'exposition Rembrandt Intime dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. France Inter, bientôt 17h08 à 18h le journal avec Florence Paracuelos. Et sans barguigner tout de suite, si tu écoutes, j'annule tout. Bonsoir Charline Van Anneker. Bonsoir Dominique, vous avez dit quoi, sans quoi? Si tu écoutes. Oui, mais juste avant, sans Florence, non? Non. Je ne sais plus. Ah, vous savez plus ce que vous dites. Ah bah dites si donc. Sans barguigner. Et oui, ça veut dire quoi? Au bout du donc, vous. Bon, très bien. Ah, voilà. Ben non, écoutez, c'est l'information. Ben voilà, hein. Oui. Voilà, on n'est pas dans. Qu'est-ce que vous voulez? On ne travaille pas pareil, hein, avec les mêmes mots. Exactement. Voilà. Merci Dominique. À bientôt. À bientôt. Et voici comment nous avons préparé l'émission ce matin. Salut Charline! On a une belle semaine devant nous, là on peut changer le monde. Ah, hein. C'est cette semaine qu'on va se faire chance. Et en plus on reçoit Philippe Manœuvre. Ah, oui. Salut les amis! Salut les amis! Tiens, on reçoit un pote à toi, oui. Philippe Manœuvre justement. Ah, oh, c'est formidable! Oui. Et on va bien se marrer. Ah, génial! Alors on choisirait un sujet musical ah, hein, pour oui, lui. Évidemment. Ouais. Ah non, ça c'est pas une bonne idée. Ah bon? Non, Philippe il est très sympa, mais ma musique c'est un peu une bille quand même. Ah ouais? Je vous jure, il y connaît rien. Ah bah c'est simple, il m'a appelé vendredi dernier pour savoir qui était ce Bob Dylan qui avait eu le prix Nobel. Ah ouais, là, évidemment, mais il était membre du jury avec toi, nouvelle star. En fait, il était surtout venu pour draguer Marianne James. Ah, ah, il en était fou. Oh. Ouais, et elle a jamais voulu. Ah, en fait, elle était folle d'un autre homme. Oui, d'accord. Mais c'est quoi ses goûts musicaux? Et vous lui dites pas que je vous ai dit. Non. Il parle souvent des Rolling Stones, mais son vrai kiff, c'est Dick Rivers. Mais non, ah, mais il s'y connaît, le gars. Non, attendez. Il connaît tout Janis Joplin, mais en fait, chez lui, il écoute Sylvie Vartan. C'est un type bien. Je suppose qu'il aime Michel Thor. Non, quand même pas. Mais attends, on lui parle de quoi alors si on ne parle pas musique? T'inquiète, je suis là, moi, en musique, je connais tout. Ah, merci Dédé. Dédé, tu es formidable. Non, c'est rien. Oh là là, j'aime tellement quand tu prends les choses en main. C'est exactement ce que me disait Marianne James. Thank you. France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui est chaude comme vin au fourneau pour traiter de l'actu. Et voici les trois sujets que nous allons vite traiter avant la fermeture de l'usine à 18h. Comme chaque année, François Hollande est en pèlerinage à Florange. Et sans doute pour la dernière fois, il se fera accueillir chaleureusement par les syndicalistes. Tu peux me dire ce que tu fais là, poulet ? Monsanto est accusé de crimes contre l'humanité devant un tribunal. C'est un tribunal citoyen, certes, mais c'est un premier pas pour faire évoluer le droit international et freiner l'impunité du géant américain qui nous livre ici le secret du Roundup. Un dérivé lent de la nitroglycérine. 5-6 gouttes dans le potage et le patient explose de l'intérieur. Essayons de comprendre ensuite ensemble le phénomène musical PNL. C'est l'album le plus écouté en France en ce moment, alors que d'aucuns diront qu'on dirait du rap au sirop. Alors mieux vaut être au diapason pour en parler avec les jeunes. On le fait à deux ce projet pédagogique, je te rappelle. Prends, troisième strophe. Je te ken dans ma Benz Benz. Tu te fais ken avec un S. Et pour m'accompagner, j'ai celui qui a découvert PNL aujourd'hui. C'est une grande révélation, c'est Alex Vizorek. Bonjour Charline, je te ken dans ma Benz Benz, hein, c'est comme ça qu'il faut dire. Et autour de la table, belle équipe, à 17h20, celui qui ne s'inquiète pas de l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur iTélé, puisque ses jeunes stagiaires à lui sont toutes des jeunes filles, c'est André Maloukian. Bonjour. Alors, on parlera plus tard, Alex. Je vais vous parler d'un formidable pianiste qui s'appelle Roberto Fonseca. Très bien. 17h30, celui qui pose des questions à tout le monde, alors qu'on est tous d'accord pour penser qu'il devrait s'en poser à lui-même des questions, c'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi, je suis allé à la manif pour tous hier, évidemment. C'était super. Ah ouais, c'était super, j'ai appris plein de trucs. Statistiquement, les femmes, c'est plutôt féminin et les hommes plus masculins. Ah, vous saviez pas ça, hein? Je suis là pour ça aussi, moi. Ça valait la peine d'y aller. Et 18h40, l'homme qui a fait du cinéma un art mineur en élevant la chronique au rang de chef-d'œuvre, c'est Hippolyte Girardot. Bonjour. Mais bonjour, bonjour. Écoutez, je vais faire quelque chose qui va s'appeler l'art de se taire. Ouf, c'est brillant. Manoukian, on va pas aimer ça. Et je me tourne vers celui qui a tout annulé pour présider cette émission. Vous êtes le rédacteur en chef de Rock'n'Folk, vous êtes scénariste de bande dessinée, homme de radio, passé par France Inter, RTL, Louis FM ou Europe 1. Vous fulgurez à la Nouvelle Star sur M6 avec notre acolyte André Manoukian. Vous êtes donc, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je suis Philippe Manœuvre. Mais si. Et oui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Philippe Manœuvre. Bonjour Charline. Vous avez écrit la préface d'un très bel ouvrage consacré à Prince. Et pas n'importe quel ouvrage, c'est celui dont l'auteur c'est Mobyn Azar, qui est un journaliste à la BBC, qui est collaborateur au magazine Rolling Stone. Et sachant que Prince était ultra discret, ultra mystérieux, qu'il a même toujours refusé, j'ai lu dans votre préface, que les interviews soient enregistrées, Mobyn Azar, c'est vraiment celui qui connaît le mieux Prince. Il connaît ses musiciens. Parce que Prince n'a jamais gardé vraiment très longtemps les mêmes équipes. Il aimait beaucoup renouveler ses équipes de musiciens. Et donc, Mobyn Azar est allé voir tous ces gens en leur disant « Vous, vous avez été l'ingénieur du son. Vous, vous étiez le clavier. Vous... » Et ces gens racontent Prince de l'intérieur. Ce qu'il aurait pu essayer de retrouver en faisant des enquêtes très poussées. Finalement, il suffisait de demander à ses musiciens « Dites, il était comment ?» Et on apprend des choses incroyables. Enfin, que Prince était... Comme par exemple, oui. Mais Prince était un peu fou. Et un jour, il a une idée incroyable. Il a une fille qui était la pâtissière du groupe. Et puis, il s'avère que personne fait des gâteaux. Il lui dit, eh bien, tu seras désormais la comptable chargée de s'occuper des salaires des musiciens. Et c'est hallucinant. Donc, mais c'est vrai, c'est réel. Donc, pendant un an, cette pauvre dame qui était pâtissière va se mettre à la comptabilité pour gérer le groupe. Donc, il y a des histoires assez incroyables avec les rapports avec sa maison de disques. Parce que Prince est un workaholic, comme disent les Américains, on n'a pas de mots pour ça, puisque nous en France on fout rien, ou on est en grève, hein, vous êtes bien d'accord. Donc, un bourreau de travail. Un bourreau de travail, si vous voulez, comme on disait au Moyen-Âge. Écoutez, des bourreaux. Et donc, j'en étais où là de mon histoire? Prince. Les rapports avec sa maison de disques. Finalement, Prince produisait énormément et il aurait voulu que ça sorte tout de suite. Il avait envie de rencontrer son public. Or, il y a les présidents des maisons de disques qui disent mais on ne peut pas sortir 4 albums de Prince en un maintenant. Enfin, c'est totalement fou, et dont certains doublent, voire triplent. On en apprend plus sur les pochettes qu'il voulait. Pour The Crystal Ball, il aurait voulu une pochette en cristal, évidemment impossible à manufacturer, envoyer dans les hypermarchés, ce qui fait qu'il se fâche avec sa maison de disque. On découvre vraiment un personnage de lutin fou, extraordinairement sympathique, parce que suivant son art, quoi, il est totalement branché, il a son bunker à Minneapolis, tout en marbre, avec ses troupes, ses musiciens. Puis il joue de plus de 20 instruments. Il joue plus de 20 instruments, mais des fois il arrive dans un studio, il entend un mec et dit, toi, tu peux pas venir faire une basse chez moi, le type reste 3 ans. c'est ça, c'est ces histoires-là, quoi, qui sont racontées dans le livre. Et musicalement, parce que moi j'y connais pas grand-chose, mais on le place où, Prince, dans l'histoire de la musique contemporaine? Bah, c'est du funk. Oui, non, je dirais, voilà, c'est vraiment le génie, ou c'est vraiment son image qui a fait aussi qu'il soit resté dans la légende, ou c'est vraiment sa musique? C'est un méga, méga, méga musicien qui jouait de 23 instruments, donc déjà c'est rare. Et puis on constate, hein, il laisse un trou béant dans le tissu de la musique actuellement. Enfin, Prince venait pratiquement tous les ans en Europe pour faire des tournées. Là, il préparait une tournée piano-voix quand il nous a quittés, mais c'était ce qu'il faisait aux États-Unis. D'ailleurs, il était en train de faire une tournée piano-voix où il était tout seul derrière un piano. C'est magnifique ce qu'il a donné, enfin, ce qu'il a, les chansons restent. Là, tous les concerts où je suis allé depuis le mois d'avril, les gens font peur Paul Rain, que ce soit Paul Naref ou que ce soit des groupes de rock, tout le monde joue un petit bout de Prince et ça déclenche des réactions incroyables. Et vous expliquez dans cette préface qu'il y a des centaines de morceaux inédits, dont 24 albums terminés, qu'il a abandonnés. Est-ce qu'il faut souhaiter qu'ils sortent un jour et qu'on puisse les écouter ou pas, parce que c'était un tel perfectionniste? Ah ben ils sortiront, je pense qu'ils ne sont pas sortis parce qu'il ne trouvait pas de moyen de les sortir. Il a essayé de mettre sa musique sur Internet, mais Internet c'est bien si c'est gratuit. Si c'est en vente, ça s'écroule immédiatement, donc il a été extrêmement déçu par Internet. Il avait été le premier musicien à mettre tout sur Internet, il a tout enlevé. Et moi je pense que j'aimerais entendre les sessions avec Miles Davis, parce que Miles Davis est venu passer 3 jours à Minneapolis. Elles existent, ces sessions? Mais oui, ils sont restés tous les deux et ils ont composé ensemble, fait des choses ensemble. Après, Miles Davis avait fait un sample où il disait Prince, Prince, Prince, et que les héritiers de Miles Davis n'ont pas voulu que ça figure dans un disque de Prince, donc il a mis 4 secondes de silence à là où il aurait dû y avoir la voix de Miles Davis. Mais il faisait quand même, il composait, il faisait des albums, et je pense que sur ces 24 albums inédits, plus des centaines de chansons, je pense qu'il doit y avoir des choses qui sortiront. Parce que ce qu'on a vu avec Jimi Hendrix est mort en 70, et depuis il sort un album tous les ans, ça fait 40 ans que ça dure, et les fans sont très contents. Prince Still Alive, et d'ailleurs dans cette très beau livre avec beaucoup de photos. Oui, et c'est Prince, ça qui est bien. C'est qu'on a beaucoup, en face de chaque témoignage, il y a la photo de l'époque. Parce que Prince était également, comme Dylan, quelqu'un qui se réinventait. À chaque album, il a une nouvelle tête, une nouvelle coiffure, une nouvelle barbe, ou pas du tout. Voilà, un nouveau nom. Il a un nouveau nom. Love Symbol. Mais oui, il s'est appelé Taff Cap, ouais. L'artiste formerly known as Prince. Il s'est appelé Love Symbol. Il s'est appelé l'esclave, Slave, quand il s'écrivait Slave sur la joue. Enfin, voilà. Donc, il y a énormément de photos et tous les témoignages des musiciens qui ont travaillé avec lui, qui est quasiment le seul moyen de connaître Prince, c'est à travers eux. C'est un très bel album publié chez Gallimard. L'auteur, c'est Mobin Hazard. La préface de Philippe Manœuvre, qui est notre invité. L'album s'appelle Prince, 1958-2016. Et là, c'est le dernier Rolling Stones. Philippe Manœuvre, j'espère que vous nous donnerez un petit mot. Shake them on down. Exactement, juste après. Vous êtes sur France Inter. I'm just your fool, I must confess, still love. et des Stones, Just Your Fool, avec Philippe Manœuvre. Oui, bah c'est le Rolling Stones blues, ils sont revenus au blues et ils sortent un album de reprise. Et Jagger nous a expliqué ça là, à Coachella le week-end dernier en disant on est rentré en studio pour faire un album et puis entre deux nouveaux titres, on a commencé à jouer des blues, puis après on s'est pu arrêter de jouer des blues, on a joué 30 blues, donc on a dit ok, bah finalement ça va être un album blues et on ressort ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 1964-65, les premiers albums des Stones, c'est que des disques de blues et de rhythm and blues, et là, bizarrement, ils vont en faire un exactement comme ça. Avec la langue bleue sur la pochette. Avec une langue toute bleue, old and blue. Oh, bien. Autour de cette table, pour entourer Philippe Manœuvre. Eh bien, André Malouquin, Guillaume Meurice qui a été à la manif pour tous. Oui, c'était très bien. Ça peut s'avérer intéressant. Et Hippolyte Girardot qui nous parlera de silence. Et Philippe, pour l'instant, place à l'information. Oui. Pendant 30 ans de ma vie, il va pas pouvoir continuer comme ça. J'ai fait la tournée de tous les bistrots. Le journal de presque 17h17. Ça devient gênant. Et on commence par les titres. La tension monte de plus en plus sur le terrain, les combats font rage, mais nos alliés reprennent des territoires petit à petit face à l'ennemi. C'est grave ce qui se passe à ITL, parce que vraiment... Ah non, c'est Mossoul. Excusez-moi, on s'en fout de Mossoul, mais il y a des vrais combats pour la démocratie, ce jeu à Boulogne-Billancourt, et dit... La manif pour tous défilait hier à Paris, 200 000 personnes selon les organisateurs, 24 000 selon la police. Manif pour tous, c'était manif pour pas grand monde. Est-ce qu'il y aura des brèves? Oui, deux brèves qui viennent de Bretagne, et une seule est due à l'alcool. Sachez-le, aujourd'hui, c'est la journée du refus de la misère. Oui, et le futur centre d'accueil pour SDF du 16e arrondissement de Paris a été incendié volontairement cette nuit. Ah ben voilà quelqu'un qui refuse la misère près de chez lui. Belle journée donc à cette personne. Politique à présent avec le président François Hollande qui était aujourd'hui à Florange. Comme quoi les coupables reviennent toujours sur le lieu du crime. Emmanuel Macron, dans un entretien à Challenge, a déclaré « Je ne suis pas membre du Parti Socialiste, mais je suis de gauche ». C'est ça, l'inverse de Manuel Valls, tout pile. Jean-François Copé était lui invité hier du grand jury, il a dit vouloir se défaire, je cite, des sparadraps qui lui collent au talon. Ah, c'est comme ça qu'il appelle des casseroles qui lui collent au cul. Ouais. Et Nicolas Sarkozy était lui chez Laurence Ferrari, il s'est dit certain d'une candidature de Hollande en 2017. Oui, et les magistrats qui enquêtent sur l'affaire Big Malion se disent certains d'une candidature de Nicolas Sarkozy en 2017. FN à présent, le parti veut lancer une émission de télévision sur la banlieue, appelée Nos quartiers la France, et qui traiterait de la diversité. C'est génial, c'est génial. Et ça, j'espère que ça va motiver Jean-Luc Mélenchon à animer une belle émission sur la Bourse de Paris. Passons à présent à la manif pour tous. Oui. Ils étaient 24 000 selon la police et 200 000 selon les organisateurs. Voilà, donc Jésus, après la multiplication des pains, s'est lancé dans la multiplication des manifestants. Chapeau à lui. Mais le plus beau dans la manif, c'est leur chant. Et oui, les deux musicaux, ça vous fait rêver. Inspiré de Go West, chanson iconique de la communauté gay. Écoutez-moi ça. Allez, on va rien lâcher. Jusqu'à l'Élysée. Voilà, on va s'arrêter là. Guillaume, vous l'aviez en tête toute la journée. Ah oui, oui, là, j'avoue que voilà, les deux Guillaume, vous allez laisser des plumes à faire vos voyages en extrême. Technologie à présent, une femme se dispute par SMS avec un ami mort. Oui, grâce à une start-up américaine qui a mis au point une intelligence artificielle. Sur base de SMS, courriel et chat d'une personne décédée, elle crée un avatar du défunt capable de répondre après sa mort. C'est génial. Et ça, Jeannette Bougrabe est très très intéressée par l'appli. Télévision, c'est l'affaire du jour. Oui, la rédaction d'ITL a finalement voté la grève contre l'arrivée de Jean-Marc Morandini, dont l'émission Média est prévue ce soir à 18h. Voilà. Et qui sait, la direction de Canal+ pourrait tenter de casser la grève avec des stagiaires de 3e. Oui, l'occasion pour Jean-Marc Morandini de continuer à organiser des castings sur son lieu de travail. Notons que pour Morandini, le fait qu'à ITL, les journalistes de la rédaction se mettent en grève n'est pas un véritable souci. Bah non, c'est pas comme s'il avait besoin de journalistes pour faire son émission. Allez, tranquille, tranquille. Et les brèves bretonnes. Oui, dans le Télégramme, on peut lire Concarneau, il regarde Danse avec les stars et finit à l'hôpital. Ah, ils ont essayé une cascade. Non. C'est la femme qui a trouvé un des danseurs beaux. Elle l'a dit à son homme et ils se sont cassés les bouteilles. Très bien. Et la dernière. Voilà, Bretagne, toujours. Ils vivaient dans 10 mètres carrés avec 60 animaux. Oui, un frère et une sœur âgés de 46 et 49 ans vivaient reclus dans une pièce de 10 mètres carrés en Bretagne avec des chiens, des chats, des rats, des oiseaux, des hamsters, des lapins et même un chinchilla. C'est fou, à 46 ans, vivre encore avec son frère. Vous êtes sur France Inter, on est en compagnie de Philippe Manœuvre et on va aborder le premier sujet, n'est-ce pas ? Comme chaque année, à la même période, François Hollande revient à Florange, juste avant la Toussaint. Il a tenu sa promesse de revenir là où il n'avait pas tenu ses promesses. Alors je ne sais pas si vous me suivez, mais suivez le guide à Florange, là où les hauts fourneaux se sont arrêtés. On l'appelle Notre-Dame des courants d'air. Je ne répéterai pas le navrant inventaire qui saute aux yeux, l'état des charpentes, hein, le toit, là-haut, le bourdon fêlé. Non, vous pouvez pas le voir. Excusez-moi. Les statues, cette chair elle-même. Ah, moi, j'ai fini, je reviendrai plus là. Jacques Legras et Louis de Funès dans Le Petit Baigneur, car nous avons des références culturelles. Il n'y a pas que Prince dans la vie, il y a aussi Louis de Funès. Philippe Manœuvre, ça évoque quoi chez le citoyen que vous êtes, le mot florange, le symbole florange? Un fuck-up. C'est-à-dire? Ils ont merdé. Ils ont merdé big time. Hein, je parle des hommes politiques. Hein, bon. Voilà, c'est triste. Oui, oui. Hein. C'est triste. Enfin, c'est bon. Vous êtes obligé de faire un peu de gag et d'humour autour de ça. Mais moi, ça me donne envie de pleurer, quoi. Ouais. Non, mais enfin, on fait de l'humour, c'est justement pour s'empêcher de pleurer, je veux dire. Et François Hollande, il y revient chaque année, à la même période. C'est une promesse qu'il a faite de revenir. Ouais. Comme ça vous donne envie de pleurer, que ça vous touche. Je ne suis pas vraiment les habitudes de François Hollande, vous voyez. C'est quelque chose. Ça, c'est bizarre parce que c'est quand même, pour passer à côté de ça, c'est difficile. Hein, parce qu'il suffit d'allumer sa télé, il est géolocalisé, François Hollande. On a des nouvelles tout le temps. Il est dans tous les livres qui sortent. Oui, bon. Mais voilà, vous le sentez comme Florange, ça vous touche comme nous tous. Gens qui souffrent, des gens qui sont au chômage, dont personne ne veut. On leur dit allez-y, dégagez les mecs, c'est foutu. Et ça arrive de plus en plus souvent partout, quoi. On leur dit ça aux gens. Oui, il y a 600 usines qui ont fermé en France depuis 2009, d'après les pages roses du Figaro aujourd'hui. Et le fait que François Hollande revienne régulièrement, est-ce que vous trouvez que c'est comme c'est un l'assassin peu revient, non, voilà, c'est ça. Il vient voir s'il a tué tout le monde ou s'il reste quelques vivants pour voter pour lui. Mais cet univers des usines, tout ça, est-ce que le rock qui est quand même anglais, parfois, est-ce qu'il n'est pas né là avec les fils d'ouvriers, oui, avec des prolos qui arrivaient à écrire une certaine musique qui parlait à d'autres prolétaires ou des petits bourgeois, enfin voilà, ou une classe moyenne, quoi. Voilà, c'était un peu ça le rock. Il n'y a pas des rockers aujourd'hui qui s'emparent de ce genre de thématique depuis la vie. Lavilliers, par exemple. Lavilliers, bon, c'est pas le nom qui te vient à la tête quand tu parles de rocker. Il a chanté. C'est pas moi qui ai fait la boulette. Il a chanté La Vallée de la Fête. Oui, il chante ce qu'il veut, mais c'est pas du rock. Salut Bernard. Évidemment. Donc, cette classe ouvrière qui disparaît, ces usines qui ferment, en même temps, ça fait disparaître une forme de genre musical qui existait en France. Voilà, musique folk, de protestation qui a existé en France, effectivement, mais qui aujourd'hui n'est plus du tout la bienvenue. Enfin, j'imagine un groupe qui réfère à 45 tours, Je suis Charlie, et de l'autre côté, Keep the Bataclan Open. Enfin, les maisons de disques disent, mais vous êtes malades mentaux, les mecs, arrêtez, stop. Pourquoi vous voulez vous mettre à dos, les gens, etc. Enfin, aujourd'hui, on est une société bisounours où le rock. Que ce soit bien lisse. Voilà, on a pu. Alors, le rock lisse, ça n'existe pas. On n'en a pas encore trouvé la formule. Le rock doux, le rock soft, ça, c'est pas très, très populaire, quoi. Les bébés brunes. D'accord. On tente des trucs. Hein, parlant de choses douces, si on se tournait vers André Manoukian, d'abord j'ai un petit truc à vous demander, André. Mm-hmm. Vous seriez mon héros si vous étiez la première personne à travailler sur Canal+, à dire je soutiens iTélé, parce que ni à Canal ni sur C8 D8. Ils n'ont pas eu le temps. Ils sont non, personne n'a dit. Mais moi je soutiens iTélé, Charlie. Oh là là, c'est beau. J'ai gagné quoi, Charlie? Vous avez perdu. Vous avez perdu un emploi, mais vous êtes mon héros. Allez-y. Nous, on vous accueillera toujours. On va se retrouver un tout petit peu à Cuba. Je suis tranquille parce que, comme j'ai mon maître à côté de moi, je voulais juste dire que... Vous remarquez que suivant l'invité, son maître change. Non, mais je crois qu'avec vous, c'est vrai. Comme on la dernière pas fois, eu c'était encore... Patrick Sébastien. On n'a pas eu encore Gilles Deleuze ici, mais voilà. Cuba, est-ce que vous savez comment on apprend l'instrument de musique à Cuba? À l'école. De force. Voilà, à l'école. Non, à l'école, au conservatoire. Au conservatoire. Évidemment. Et on a. La musique cubaine ne s'apprend pas dans les écoles. Ce qu'on apprend dans le conservatoire, c'est la musique classique. Et vous savez qu'il y avait des accords privilégiés entre un certain pays communiste et un autre Cuba. Pays communiste, donc, et ce qui fait qu'à Cuba, ils ont hérité de l'école du piano russe, qui est une des écoles les plus difficiles qui soit. Le piano russe, il y a quatre piliers. Le premier, c'est la technique. Le deuxième, c'est Bach, qui a écrit pour des enfants. Le troisième, c'est Mozart qui a écrit aussi pour des enfants. Et le quatrième, c'est les romantiques en choisissant chaque fois un compositeur qui avait fait des pièces pour les enfants. Ce qui fait que l'enfant qui débutait se retrouvait avec ses quatre piliers en montant en gradation et en difficulté. Voilà donc nos pianistes qui sont formés de la meilleure manière qu'ils soient et qui, dans la rue, vont jouer la musique qu'ils entendent. Et là, on est dans un autre mood, on est dans les Yoruba, c'est-à-dire les rythmiciens les plus pointus d'Afrique. Tout ça parce qu'ils jouent quoi ? Ils jouent des tambours bata. Les tambours bata, c'est comme des congas, sauf qu'il y en a trois qui sont empilés horizontalement. Mais c'est quoi des congas ? Alors, des congas, c'est... pas très malin. C'est, vous avez un fût qui est en bois avec une peau, et c'est une percussion qui résonne très fort. On s'appelle à des kilomètres à la ronde, on communique avec ça dans la brousse. Et les bata, simplement, ce sont des tambours qui ont des peaux sur chaque côté, ce qui fait que vous avez des notes. Donc, vous en avez trois que vous empilez sur vous d'une manière horizontale, et vous jouez de six notes à la fois. À la fois, on est dans une rythmique très complexe et en même temps, on est dans des évocations de monde. Philippe, c'est une connerie, vous nous prévenez. Hein, parce que nous, maintenant, on est pas quand, au vous, fait, hein. Quand vous vous baladez, Calle Obispo. Calle Obispo, c'est la rue des musiciens. Ouais, il faut ne pas confondre avec... C'est un sacré coup de bol. Quand vous vous baladez, Calle Obispo... C'est à côté de la Calle Pani. Vous avez, donc c'est entre le Floridita, qui était le bar d'Hemingway, et l'hôtel d'Hemingway, vous avez une cinquantaine de bars. Et dans ces cinquantaines de bars, vous avez une cinquantaine de musiciens d'orchestre, plutôt, qui sont tous meilleurs les uns que les autres. Et il se trouve que c'est tous des fonctionnaires, puisqu'il est hors de question de jouer si on n'a pas été assermenté. Et vous avez des vrais inspecteurs du swing qui viennent checker pour voir si... Non. Donc, non seulement les gars, ils ont tous leurs diplômes, mais en plus de ça, ils vous font une musique qui est des plus réjouissantes qui soit. Vous rajoutez à ça la Santeria, c'est-à-dire la religion des saints, ce qui fait que... On se retrouve avec ce qu'on appelle, au Brésil, ce sont les orixás, c'est-à-dire avec une dimension mystique, puisque chaque instrument est voué à un dieu. Donc tout ça n'est pas gratuit et vous obtenez en gros la meilleure musique du monde. Celui-ci s'appelle Roberto Fonseca, c'est un pianiste qui est né en 75. Il a eu beaucoup de prix, il revient ici avec un nouvel album et le titre qu'on va écouter s'appelle « Familier ». Right. Roberto Fonseca, Family, et vous nous disiez André Manoukian. Alors, comme le faisait justement remarquer Hippolyte, il joue de l'orgue sur ce morceau-là. Et on parlait de la fonctionnalisation obligatoire des musiciens cubains. Et dans leur charge, ils doivent, une fois par semaine, donner un concert gratuit pour le peuple. Et c'est les plus chouettes concerts qui soient. On se retrouve dans des endroits insolites, au sommet d'un immeuble. Tout d'un coup, il y a un gars avec un clavier et trois percus. Ils disent, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on va improviser. Ce sont des concerts totalement improvisés. Et c'est les plus chouettes qui soient, encore une fois. Il y a des grands-mères, il y a les enfants, il y a tout le monde. C'est ça, je le dis pour les gens qui voudraient vous engager. Vous, les concerts gratuits, c'est ce que vous préférez, c'est là qu'on est le meilleur. Ne payez pas André Manoukian, surtout. Merci. Il serait capable de pas tout André donner. André Manoukian, qui nous fait découvrir donc Roberto Fonseca et vous le son de Cuba. De nous sommes en compagnie. Vous avez un allié. Vous avez un allié à côté de vous, André Manoukian. Oui. C'est Philippe Manœuvre, bien sûr, qui signe la préface d'un très beau livre sur Prince, rédigé par le spécialiste de Prince, journaliste à la BBC et collaborateur à Rolling Stone, qui s'appelle Mobin Azar, avec plein de très très belles photos. Prince raconté par ses musiciens, et ils furent nombreux puisqu'il en a changé souvent. Et à cette heure-ci, Philippe Manœuvre, le garçon à votre droite. C'est moi, monsieur. Bonjour, facétieux, il est facétieux. Oui. Montrez-nous pourquoi. Eh ben, écoutez, j'étais à la manif hier. J'adore ça, moi, les manifs. Alors là, c'était un peu spécial parce que c'était la fameuse manif pour tous. J'ai cru au départ, d'ailleurs, que c'était un rassemblement de constipés parce qu'ils avaient l'air bien coincés du cul. Et puis en plus, ils criaient « on lâche rien » pour des constipés. C'était quand même logique. Mais pas du tout. Hein. C'était des gens formidables qui se réunissaient pour lutter contre plusieurs fléaux, dont un qui m'a intéressé plus particulièrement et qu'ils appellent la théorie du genre. Alors, ce serait une théorie enseignée dans les écoles et qui créerait chez les enfants une confusion au niveau de leur identité sexuelle. Heureusement, il reste dans notre douce France des jeunes bien élevés et qui ne sont pas tombés dans la propagande égalitariste. Les filles comme les garçons n'ont pas forcément les mêmes goûts, n'ont pas les mêmes attitudes. Et ça, c'est la nature et on ne peut rien y changer, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre les hommes et les filles dans l'attitude, on va dire? Je ne sais pas, les femmes préfèrent plutôt faire la cuisine et les hommes préfèrent faire le bricolage. C'est vrai, vous pensez vraiment ça? Ah oui, principe. Ouvrez les yeux et vous verrez, oui. Vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans, voilà, un petit gars bien élevé. Ça fait plaisir, il est bien parti dans la vie. Alors attention, quand on dit les filles en cuisine, c'est juste qu'à un certain point, hein, parce que quand c'est les grands chefs, ce sont quasi que les hommes. Hein. Le prestige, c'est masculin, mais le gratin dauphinois surgelé, c'est pour maman, bien évidemment. Bien joué le jeune. Alors, il y a tout un tas de théories de ce genre sur la fameuse théorie du genre. Les filles préfèrent jouer... À la Barbie et le garçon préfère jouer aux jeux vidéo. Enfin, voilà. Et alors, qu'est-ce que vous pensez des garçons qui jouent à la Barbie? Ils sont un peu irrécupérables, je crois. Bah évidemment, évidemment, évidemment. Qu'est-ce qu'on va en faire? Des fiottes, des drogués, des mecs qui vont finir dans le jury de la Nouvelle Star. Non, faut faire gaffe, faut faire vachement gaffe dès l'enfance. D'ailleurs, il y avait des professeurs hier dans la manif. Alors, l'occasion d'ailleurs de ne pas faire d'amalgame. Ils ne sont pas tous d'horribles gauchistes, les profs. Il y en a des biens. En tant qu'enseignante, je trouve absolument déplacé et inadapté l'enseignement du genre à l'école. Et enseigner la zoophilie aux enfants, l'homosexualité, toutes les perversions. Pour vous, ça se vaut, la zoophilie et l'homosexualité? Maintenant, tout prête à confusion. Mais oui, évidemment, on sait ce que c'est. Hein. On commence par écouter les Village People et puis on finit par vouloir se marier avec son Doberman. Non, mais ça, c'est vrai, c'est classique. Tout prête à confusion. Elle a raison, cette dame à qui, je vous rappelle, vous confiez tous les jours l'éducation de vos enfants. Alors juste, ce qui me semblait bizarre dans la phrase, c'est qu'elle pense que la zoophilie soit enseignée à l'école. Dans certains livres, ça apparaît. Ah bon? Dans quel livre alors? Ça a été mentionné dans des plaquettes. Ah oui? Ah oui, dans des plaquettes qui ont été distribuées à certains. Remarquez maintenant que vous me le dites, dans Boule et Bill. Mais partout maintenant, on voit. Vous avez lu Boule et Bill déjà? Non, j'avoue que je n'ai pas lu. C'est un petit garçon avec son chien. Je ne veux même pas imaginer. Oh putain, mais c'est vrai maintenant que j'y repense. Merde, en plus c'est le gamin qui s'appelle Boule. Vous imaginez la perversion, hein? C'est quoi la suite? Une fille qui s'appelle Nichon? Ça fait flipper. Franchement, ça fait flipper. Heureusement que des gens veillent, hein, pour faire entendre raison à la société. Et la raison et l'aspect cérébral des choses, c'est évidemment un truc de mec. Ah, je pense que les hommes ont beaucoup plus de facilité à être cérébraux, mais les femmes raisonnent davantage avec leur instinct et leur sensibilité. Donc le pôle sensible équilibre le pôle cérébral dans l'ensemble de l'intellectualité. Dans l'ensemble de l'intellectualité, bien évidemment. Hein, regardez, on a tous compris, les mecs, et Charline, elle est à la ramasse, elle comprend rien du tout, parce que c'est une femme, la honte. Oh là là. Ouais, mais je fonctionne à la sensibilité. Et d'ailleurs, j'arrête, parce que vous allez vous mettre à chialer, ça va être gênant. Vous chialez comme une femme, c'est nul. Bon, allez, les gars, moi j'ai continué avec mon nouvel ami. Donc ce soir, je côtoyais une femme qui est très féminine en apparence, mais qui est une motarde. La moto, c'est masculin pour vous ? Ah, pour moi, oui. Oui, ah oui, tout à fait, oui. J'ai tout le côté chevalier de la route et tout ça, si vous voulez, par exemple. Et là, c'est assez amusant que la moto soit aussi, quelque part, dans le monde homosexuel, pour certains d'entre eux, un certain signe. Alors, c'est plus la théorie du genre, c'est la théorie de la moto, là. Tout est lié, hein, quoi, c'est vrai. Tout est lié, tout est lié, il l'a dit, hein, c'est essentiellement lié dans la tête hein, du monsieur, parce que ça semble difficile de faire le tri, des fois. Alors, j'étais en train de continuer mes interviews tranquilles, quand un sympathique monsieur d'aspect plutôt, vous voyez, nationaliste, identitaire, à gros bras, est venu tenter de m'intimider. Écoutez ça. La biologie et la nature. T'es payé combien pour faire la pute comme tu fais tous les matins ? T'es payé combien pour faire la pute comme ça ? Alors, j'ai payé 240 euros par chronique brute. Non, c'est que dalle ça. Ah, alors, petit message à la direction de France Inter. Les gens d'extrême droite pensent que je suis pas assez payé. Voilà. J'espère que notre proxénète Laurence Bloch nous écoute. En tout cas, lui, il nous écoutait, hein, puisqu'il m'a donc reconnu. On a un auditorat assez large. Hein. Je sais pas si c'est rassurant ou flippant. Bon, voilà. On les salue, Et on les salue, bien évidemment. Et il avait donc un avis assez précis sur ma personne. Guillaume Meurice, c'est une grosse salope. Ça tombe très bien parce que je fais un sujet sur la théorie du genre. Non, on peut être une salope même si on n'est pas une grossesse. C'est vrai ? Un journaliste du système, c'est une salope même si c'est un homme. Mais moi, je suis pas journaliste, moi. Ou chroniqueur, c'est pareil. C'est pas des gens qui sont dans le système, la manif pour tous ? Non, pas complètement, en tout cas beaucoup moins goût, c'est clair. On est sûr qu'on n'est pas dans le 16e arrondissement parmi les nantis qui tiennent le système ? C'est pas un peu la préfecture qui a choisi le trajet ? Alors non. Alors que je sois une grosse salope, bon, bah ça se discute, hein, libre interprétation. Mais ce sont évidemment les organisateurs qui ont choisi le trajet. Et ça m'étonne. Je ne pas que ce soit des grosses salopes du système aussi, parce qu'ils n'ont pas franchement choisi un quartier anarchiste, hein, entre Porte Dauphine et Trocadéro. Et pour des gens qui prétendent combattre le système, pour le coup, ça fait mauvais genre. Merci Guillaume Meurice. Philippe Manœuvre, le rock, c'est féminin ou masculin? C'est une question piège. Hein, parce que c'est pas un truc de fiotte, le rock, quand même. C'est mixte. Non, mais le rock, on est très content quand il y a des chanteuses, et il y en a beaucoup. Ouais. Enfin, par voilà. Exemple, une que vous adorez. Janis Joplin, Patti Smith, qui est une des plus grandes actuellement au niveau vente de livres, une chanteuse qui vend des livres, c'est admirable. Un prix Nobel. Voilà, non, on aime beaucoup tout. Et puis nous, on a inventé le transgenre, c'est-à-dire qu'on a avec David Bowie. Moi, quand il y avait la manif pour tous, les grands trucs au début, je me disais, mais qu'en penserait David Bowie ? Puis j'avais ma réponse. Bah, il les emmerde, non ? Bah oui, non, mais je sais pas. Enfin, c'est les trucs, il n'y a qu'à se fier à l'histoire du rock pour savoir où on doit aller. Et... N'allez pas nous fâcher avec notre auditorat. On espère les faire changer d'avis peut-être avec ce sujet 2, avec Philippe Manœuvre. Monsanto traduit devant un tribunal international pour ses méfaits sur l'humanité et l'environnement. Vous en rêviez. Alors pour l'instant, il ne s'agit que d'un tribunal citoyen, mais avec de vrais juges. De véritables victimes. Le procès citoyen de Monsanto s'est tenu ce week-end à La Haye. Il a pour but de faire évoluer le droit international. Alors imaginez un petit peu la firme américaine devant répondre des effets de ses OGM devant un juge. Et en poussant la réaction chimique au maximum, vous créez par là même le terrain pour de grands changements sur le plan génétique. Ça donne à réfléchir. Oui, professeur. Ne croyez-vous pas que ce genre d'expérience soit un peu, comment dirais-je, dangereux ? Jeune homme, il faut parfois savoir prendre des risques si l'on veut obtenir des résultats inespérés jusqu'à ce jour. Faut avoir des couilles. Et avec Monsanto, même le maïs va avoir des couilles. C'est un extrait de Cauchemar sanglant, film de série Z, mais nous, on est ouverts à tout. Alors, Philippe Manœuvre, est-ce que vous vous intéressez un petit peu, de près ou de loin, aux questions agricoles, vu l'impact qu'elles ont aujourd'hui sur notre santé ? Je suis obligé, parce que Neil Young y a consacré ses trois derniers albums. Quand je suis allé au concert de Neil Young, il y a une semaine, il démarre son spectacle par des gens qui viennent semer des graines sur scène. Ah oui ? Et lui, il a un vieux t-shirt marqué Earth, la terre. Ils se bagarrent contre Monsanto, parce que vraiment, c'est eux les bouchers de tout ce qui se passe actuellement. Enfin, c'est monstrueux ce que fait cette société, cette corporation, c'est dingue. Et si on avait une ministre de l'écologie, enfin, Monsanto, quoi, voilà, il n'y a qu'un seul mot à lui dire, Monsanto. Vous faites quoi pour les abeilles? Vous faites quoi contre ces gens qui envoient, qui balancent des trucs dignes du Vietnam sur la campagne française? C'est le cas, d'ailleurs. Récemment, j'ai vu une étude, si on compare une pomme lavée essayez une pomme essuyée, une pomme épluchée, il y a toujours le même taux de toxines dedans. Même si vous enlevez la peau de votre pomme sur 5 cm, la pomme, elle est foutue à l'intérieur parce que Monsanto a inventé des nouvelles techniques pour repousser les petites bestioles qui pourraient venir manger les pommes. Et maintenant, les pommes, elles sont contaminées bien plus profond que la simple peau de la pomme. Avant d'enlever la peau, on était tranquille, on avait une pomme. Maintenant, c'est foutu, on mange des trucs, on est en train tous de se cancériser, c'est abominable. Et vous faites bien de relever que c'est depuis le Vietnam, puisque Monsanto, l'auteur de le fameux agent orange... Voilà, ils ont commencé là à montrer leur talent pour la destruction, la mort... Et qui vient de se faire racheter par Bayer, qui a des accointances avec le régime nazi. Donc tout va bien. C'est le mélange des gens. Donc finalement, un tribunal citoyen, puisque pour l'instant, il n'y a pas toutes les compétences pour pouvoir traduire Monsanto, mais un tribunal citoyen avec de véritables juges internationaux. Il y a une Belge, il y a une Sénégalaise, il y a un Mexicain et des victimes. Et ce débat-là, pour essayer de faire avancer le droit international, il faut faire reculer Monsanto. Oui, bien sûr. Et c'est ça le problème, des gens qui vaporisent leurs champs, ça attaque les champs à côté. Et si c'est des champs bio, ils sont foutus aussi. Enfin voilà, on ne peut plus continuer comme ça. Il y a et l'appropriation record, des semences aussi. Nombre record de cancer chez les agriculteurs en France. Si vous avez des amis à la campagne, ils vous le confirmeront. Et puis l'histoire des semences qui ne peuvent servir qu'une fois. Enfin, ça, c'est vraiment l'abomination libérale à son paroxysme. Et donc, on retiendra aussi que Neil Young, c'est une porte d'entrée pour sensibiliser. Neil Young vraiment se bagarre contre ça depuis 3 albums. Non-stop. Et il est très attaqué à cause de ça, parce que évidemment. D'ailleurs, la dernière attaque qu'on lui a faite, c'est qu'on a dit que sa tournée était produite par Monsanto. C'est une rumeur géniale. Ça a pas marché, évidemment, mais c'est une rumeur géniale. Hippolyte Girardot, je vous sens chaud comme. Comme la vraie. 20 épis de maïs. Oui, parce que. Voilà, parce que en fait, voilà, j'étais au Festival Lumière à Lyon et bon, c'est Catherine Deneuve qui a été récompensée et qui a dédié son prix aux agriculteurs de France. Voilà, donc on est un petit peu raccord. Mais enfin, bon, bref, j'ai pris le train donc pour aller à ce festival et je suis tombé sur un des bouquins avec François Hollande. Il y en a 40 000, bon, j'ai pris le dernier. Et puis alors, on ne devrait pas dire ça, franchement. Quand on est président, c'est pas possible. Dire que l'ex ne pense qu'à l'argent, aux conférences à 100 000, dire qu'il ratisse large, qu'il invente de la peur pour choper l'électeur, non, faut pas dire ça. T'es président ou pas ? Dire que son ex a mal compris le sens bucco-dentaire de sa phrase, qu'en fait elle est jalouse, que c'est ça qui fait chier. Dire que la nouvelle ne sera jamais légitime, officielle, même si ça la mine, ça fait excuse bidon, pardon, faut pas dire ça. Toi président ou pas président ? Dire que les footballeurs devraient s'entraîner du cerveau, que la burqa aujourd'hui permettra la coiffe phrygienne demain. Dire qu'on peut réussir sa vie sans être président, la rater aussi en étant président, franchement, non, pas dire ça. T'es président ou pas ? Et surtout, pas dire qu'en étant président, on est impuissant. Parce que les primaires, la presse, les chroniqueurs continuent à nous le faire croire, à en faire leur beurre. Ça, non, François, merde, tu devrais pas dire ça. Tu devrais pas casser les jouets que tout le monde désire, pourrir l'air que tout le monde respire. Et puis, tu sais quoi ? Ça m'a fatigué, ça m'a crevé, ça m'a épuisé. J'ai arrêté le playback, le yo, le slam, et j'ai été au ciné. Parce que le Festival Lumière à Lyon, c'est que des vieux films, mais c'est vachement plus sexy que le congrès des anciens de l'UDF. Et dans cette caverne d'Ali Thierry Baba, il y avait Le Jour se lève, présenté par Vincent Ventura Lindon, qui évidemment nous y a entraînés. What else ? Je rappelle l'histoire. Gabin vient d'assassiner Jules Berry, un dégueulasse, un entourloupeur, un baratineur, un parleur, qui, après avoir exploité la belle Arletty, voulait garder pour lui seul une jolie fleuriste, dont Gabin s'était sérieusement entiché. Un beau mélo et aussi un procédé narratif quasi inédit à cette époque, le flashback, dont Citizen Kane se proclamait l'inventeur, sauf que Le Jour se lève a été tourné 2 ans avant. Bon, passons sur ces Américains qui ne se trompent qu'eux-mêmes. Embarqués par les yeux reposants de Gabin, les seins spirituels d'Arletty, le bagou visqueux de Berry, l'élégance de Marcel Carné, je me faisais un petit flashback moi aussi, en pensant à l'autre bavasseur qui ne devrait pas dire ça, hein ? Bon. Je me sentais comme Arletty quand elle vient de quitter Jules Berry et qu'elle se confie à Gabin. Excusez, les dialogues sont de Prévert, c'est de l'art, comme on n'en fait plus. Vous avouerez qu'il faut avoir de l'eau dans le gaz et des papillons dans le compteur pour être resté 3 ans avec un type pareil. Bah ça c'est vrai, t'as bien raison. Moi aussi. Mais qu'est-ce qui m'a appris ? Moi j'étais bien naïf. Ces boniments croiraient qu'il les sort de ses manches. Il peut raconter n'importe quoi et tout de suite on croit que c'est un... Tenez la coupe d'Azur là. Il n'a qu'à en parler et on y est. On est dedans jusqu'au cou. C'est comme ça qu'il m'a eu. Avec des mimosas. Oui, c'est vrai, c'est ça. On nous parle à Côte d'Azur, mimosa, et on marche, franchement. Heureusement que Gabin est là, quand même. Il se laisse pas faire quand l'autre se met à le baratiner. T'es peut-être très intelligent, mais t'es pas rapide quand tu causes. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Bah, c'est vrai, ça, dans le fond. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut, ça ? C'est vrai, ça, président ? Mais qu'est-ce qu'il veut, le président ? Hein ? Bon, alors, évidemment, l'autre, le baratine, là, dans le film, il lui ment, il essaie de lui faire croire n'importe quoi, mais en fait, dans le fond, il est juste jaloux, il est énervé, il veut le tuer. Alors, il a apporté un pistolet, il le pose sur la table, il continue de parler, parler, parler, il arrête pas de parler, il publie pas des livres, mais il parle tout le temps. Bah, alors, gamin, il est exaspéré. Il en peut plus de ce foutu serpent ! Il en peut plus ! J'ai souvent des idées merveilleuses, mais jamais jusqu'au bout. Oh. Je suis dérisoire. Mina. Pas dégueulasse, toi, t'es honnête. T'es sain, t'es confiant. J'allais la confiance. Ah, tais-toi. Tais-toi. Moi, même pas. Mais je plais. Plaire, tout est là, tu sais. Tu vas la taire, ta gueule. Tu vas la taire, ta gueule. Ah oui, ah oui. Mais bon, il arrêtait pas de parler aussi. Alors tais-toi, tais-toi, tu devrais pas dire ça. Tais-toi. Regarde Dylan, Dylan quand il se prend un Nobel. Écoute, t'entends quelque chose? Rien, rien. Voilà, Dylan, il se tait, il a la classe. Mince alors, merde. Hippolyte Girardot. Oh, c'est beau quand vous êtes énervé. Ça slame, merci Hippolyte. Nous sommes en compagnie de Philippe Manœuvre qui signe la préface d'un très beau livre de Mobin Hazard, The Specialist of Prince. Donc ce livre sur Prince publié chez Gallimard avec plein de photos et tous les témoignages des musiciens qui ont travaillé avec lui et le portrait en creux qui se dessine. Le troisième sujet avec vous, Philippe Manœuvre, en trois lettres, PNL. C'est un duo de rap. Leur album est le plus écouté de France. Je savais qu'il fallait traiter ce sujet. Malheureusement. Ils divisent certains les portent au nu quand d'autres n'y comprennent rien et sont déjà parodiés pour leur côté rap un peu niaiseux. Écoutez. Fox et Rookie étaient amis pour la vie, mais en fait, à la fin, ils sont plus amis pour la vie. Oh là là, l'envion, ça me fait du mal quand elle peut pas aller au bal. Putain, c'est noble, sa belle-mère la teinte. Ariel, Ariel, petite sirène. Voilà, je crois qu'on va commencer cette parodie du Palmacho. Bon, alors maintenant, on va écouter l'original. Palmacho qui viendra bientôt chez nous. Ah, c'est vrai. Eh oui, je vous donne l'info. Ils devront répondre de leurs actes. Je sens des mots de merde et tu me payes, paye, paye, paye, paye. La haine sur le maillot, le zay, la maille, je vois maille, la maille. Le M en saillant, car tu fly, wallah, wallah. PNL, qui est d'ailleurs dans la playlist France Inter, parce qu'on est en connexion avec le monde. Philippe Manœuvre, vous disiez aïe, parce que c'est l'album le plus téléchargé de France. Ouais, bah c'est du hip-hop soft. Voilà, il fallait en créer. C'est de la musique papier peint pour des bobos qui dînent, qui ont besoin d'un petit fond musical derrière. C'est moins prenant que si c'était Joey Starr qui arrivait en disant qui faisait son Jaguar en nous. Ça, c'est le dernier vrai rebelle, Joey Starr. C'était en 87. Hein. Ouais. Ouais. Après, rebelle qui fait de la pub pour Chauvignon et qui mange à l'Élysée. Oui, bah, parle de 87. C'est quand même sympa. L'Élysée, il s'explique très bien là-dessus. Il dit, j'ai voulu aller voir où passaient mes impôts parce que je trouve que j'en paye assez comme ça. J'ai le droit d'aller regarder. C'est on devrait mal. Tous y aller. Alors, on aurait Mais alors, puis, PNL, c'est pour payer ses impôts. C'est en fait une adaptation française de quelque chose d'un rap qui existe aux États-Unis, qui est un rap un peu plus lent, comme ça, qui est. Oui, c'est du rap soft. Voilà. Bon, c'est pas. Franchement, c'est pas désagréable. C'est pas. Il y a pas de quoi les clouer au pilori ou appeler la police. Enfin voilà. C'est un truc. C'est... Et qu'est-ce que ça dit si c'est l'album le plus écouté de France et que ça entre en résonance avec la jeunesse? Ces deux gars des cités. Mais ça, ça dit qu'aujourd'hui, on est dans un désespoir total de créer, de fabriquer un petit événement avec quelque chose. À un moment, Daft Punk, ça a été l'album le plus écouté au monde aussi. Hein, au monde. L'album qu'ils ont fait, la Random Access Memory. Donc, c'était autre chose. L'album le plus écouté de France, ben voilà, super, on est content pour eux. Quoi. André Manoukian ? Oui, c'est les gosses surtout qui sont à fond sur cette musique-là. Quoi. C'est pas les bobos, Philippe, non, si. C'est les enfants. Les enfants des bobos. Non, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais bobo est devenu une insulte en France. Actuellement, on va dire, mon Dieu, c'est un bobo. Ça dépend. Nous, on se considère qu'un peu comme bobo, quand même. Vous aussi. Hippolyte Girardot, vous êtes bobo, oui, non, mais vous ça va, je m'en fous d'être insulté, moi. Mais franchement, je suis habitué, en plus. Mais tout qui habite le centre-ville est bobo. C'est pas la presse qui s'est chauffée là-dessus en même temps. C'est effectivement les gens qui l'ont vu sur YouTube. Parce qu'il y a plus de presse, en fait, qui se chauffe sur rien. La presse, maintenant, elle va regarder sur Twitter ce qui marche. Elle dit, attention, là-bas, il y a un truc, il y a une purulence, un furoncle, ça pourrait être... Et voilà, comment les moutons de Panurge se ruent donc sur PNL. Non, mais c'est ça aujourd'hui. Voilà, le seul truc qu'on peut dire, c'est que leur production est assez, j'allais dire, chiadée au niveau du son. Tout d'un coup, ils sont dans des codes qui sont plus produits, avec des sons qui sont plus agréables à écouter peut-être pour des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes du hip-hop. André Manoukian, merci. Tiens, vous allez mettre mis à contribution ou pas? Bien sûr, à la fin du, Philippe de l'émission. Philippe Manœuvre, on vous envoie un sketch. Vous avez un rôle que vous ne connaissez pas, que vous découvrez. Et vous êtes Philippe, assistant de production à iTélé. Et Bolloré a grande confiance en vous. Bolloré, c'est Guillaume Meurice. Et traîne par là la représentante des journalistes, Charline Vanhoenacker. On se rend dans le bureau à iTélé. Ok, je vous préviens, j'ai 10 minutes, pas une de plus. Monsieur Bolloré, alors, c'est très grave ce que vous faites. Nous, on veut bien couvrir les affaires judiciaires, mais pas couvrir ceux qui sont mis en examen. Mais je m'en fous de vos états d'âme, ma petite. Si ça vous pose un problème, la compta, c'est au 5e étage, à droite, en sortant de l'ascenseur. Non, mais écoutez, on est une chaîne d'information, quand même. Information, divertissement, il n'y a pas de différence. J'ai d'ailleurs demandé à Philippe de me proposer de nouveaux concepts. Oui, j'ai une idée, ça s'appellerait The Primaire. Ah, ça, c'est bien, c'est bien. Ça consiste en quoi? Eh bien, il y aurait 4 juges dans des fauteuils de dos. Les candidats auraient chacun 3 minutes pour dire qu'ils ne sont pas coupables. Et les juges pourraient se retourner. Bah ça c'est bien, ça donne une image jeune de la politique, c'est mais, bien. Mais on est une chaîne d'infos. Ouais, comme France 3 Champagne-Ardenne, qui je suis certain serait ravi de vous accueillir. Écoutons plutôt les autres idées de Philippe. Voilà, alors on s'est dit l'actualité en ce moment c'est les migrants. Ouais. Et du coup j'ai envie de proposer une sorte de Koh-Lanta mais qui se passerait dans la jungle de Calais. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Et à chaque fin d'émission, Denis Brognard pourrait arriver avec des policiers pour reconduire le candidat éliminé à la frontière. C'est une honte. Non, la honte c'est de faire des reportages qui emmerdent tout le monde. Mais l'information! Mais écoutez, si les gens voulaient s'informer tout en se faisant chier, la presse papier existera encore. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, Hanouna, il pourrait pas être rédacteur en chef? Ah bah Cyril Hanouna à la tête d'iTélé? Mais vous êtes en plein délire mais ou quoi? Non, au contraire, Cyril il est aux 35 heures comme vous, mais lui il est fait d'affilée. C'est ça la productivité ma petite. Non mais vous l'imaginez choisir un journaliste économique? Mais bien sûr, il connaît très bien Nabila. Mais il connaît bien l'économie Nabila. Et alors à la main qu'il y connaît quelque chose? Non plus, alors autre chose? Alors là vous allez être content, on reprendrait les mêmes principes que les ch'tis et les Marseillais sur W9, sauf qu'on enferme dans une maison des sympathisants FN et des musulmans. Non mais c'est n'importe quoi, non, mais nous on fait un boulot sérieux quoi, je veux un dire. Boulot sérieux journaliste. Je vous rappelle que Morandini prétend l'être. Pour la présentation de mon truc, là, on a pensé à Bernard de la Villardière. Excellent, excellent. C'est les gens comme ça qu'il nous faut. Ou alors, j'ai aussi pensé faire une émission musicale avec Philippe Manœuvre. Voilà, ça c'est de la vraie télé, c'est du bon boulot. Bon, maintenant il reste plus qu'un petit détail de rien du tout à régler. Ah oui, bah lequel? Virer tout le monde pour repartir sur de bonnes bases. Impeccable, Philippe Manœuvre, merci, plus vrai que nature. Philippe Manœuvre, je rappelle que vous signez la préface d'un très beau livre paru chez Gallimard sur Prince 1958-2016. Prince raconté par Mobin Hazard, qui est journaliste à la BBC et raconté Rolling surtout Stone. Par ses musiciens. Eh ouais. Voilà, par les gens, les ingénieurs du son, les cuisiniers, les gens qui ont travaillé avec lui, les costumiers. La pâtissière devenue comptable. La danseuse, la fameuse danseuse Maïté. Enfin, non, il y a beaucoup de choses fabuleuses. Alors, en tout cas, on vous le recommande. Il y a énormément de photos, de très belles photos de Prince sous tous ses jours. Merci Philippe Manœuvre et voici le mot de la fin que je laisse aux syndicalistes de Florange. Il faut parfois savoir prendre des risques si l'on veut obtenir des résultats inespérés jusqu'à ce jour. Faut avoir des couilles. Aujourd'hui, Humanis s'engage pour Olivier. Il a le goût du risque. Il aime miser sur les projets auxquels personne ne croit. Mais quand on lui parle de la santé de ses salariés, là, il ne veut prendre aucun risque. Qui a dit que l'on ne pouvait pas choisir sa complémentaire santé en toute sérénité? Nous protégeons au quotidien 700 000 entreprises et avons la confiance de plus de 50 branches professionnelles. Pour trouver la complémentaire santé la plus adaptée à vos salariés, faites un devis sur santéprohumanis.com. Humanis, protéger, c'est s'engager. Sarah, 42 ans. Pourquoi donner un rein de son vivant alors que l'on fait des greffes à partir de donneurs décédés? Professeur Combes, président de la Société francophone de néphrologie dialyse transplantation. Bien d'abord parce qu'une greffe à partir d'un donneur vivant pourra être effectuée plus rapidement. Ensuite, le don du vivant offre d'excellents résultats pour le receveur. Et enfin, il permet à un nombre plus important de patients d'accéder à une greffe de rein. Pour toutes vos questions sur le don du rein, rendez-vous sur le site de l'Agence de la biomédecine dondorgane.fr. Les éditions Radio France présentent Terrorisme, l'impasse des armes, un livre de Fabrice Drouel. Les attentats de janvier 2015, l'assassinat du préfet Erignac, la tuerie de la rue des Rosiers, l'affaire Mohamed Merah, autant de sujets décryptés pour interroger nos représentations du terrorisme. Terrorisme, l'impasse des armes de Fabrice Drouel, d'après l'émission Affaires sensibles, une coédition France Inter. Vendredi 21 octobre, un concert tout en contraste avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Les célèbres danses symphoniques de West Side Story de Bernstein et de Shostakovich, un concerto plein de mélancolie et une symphonie rageuse. Au piano, travaux et à la direction, le prodigieux Lahav Chani. Vendredi 21 octobre à 20h, dans l'auditorium de la Maison de la Radio. Saisissant. Réservation maisondelaradio.fr. Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demoron. Bonsoir Charline Vanhoenacker et bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Le programme de ce lundi soir, 18h15, la bataille de Mossoul en Irak et la diplomatie toujours peu, très peu efficace à Alep. Un jour dans le monde avec Hubert Védrine. À 19h20, le téléphone sonne sur le CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Sera-t-il adopté? Le débat est musclé. Vos questions 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal tout de suite, Florence Paracuelos, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, retour à Florange pour François Hollande, visite en catimini, pas de confrontation avec la CGT et un message, oui, il a bien respecté ses engagements. Mossoul, l'offensive a